franceinter.com. Pour les Israéliens, c'est un héros national, une véritable légende, un homme mort en service pour sa patrie au cours d'une mission particulièrement dangereuse et audacieuse. Il s'appelait Eli Cohen. Une nuit de mai 1965, les mains liées et sous bonne garde, il est monté sur l'échafaud qui avait été dressé place des martyrs au centre de la ville de Damas. Malgré l'heure tardive, des milliers de Syriens se pressaient autour du gibet et la scène était retransmise en direct par la télévision locale. Au pied de l'échafaud, un vieux rabbin a commencé à annoncer une prière. Là-haut, le bourreau, un géant nommé Abou Salim, a tenté de poser un capuchon sur la tête du condamné, mais Cohen a secoué la tête et refusé. Quelques secondes plus tard, la corde était passée autour de son cou. Encore 2 minutes, Eli Cohen était déclaré mort par le bourreau. L'un des espions les plus célèbres venait de disparaître. Et en Israël, on ne l'a toujours pas oublié. En 2000, on a célébré officiellement l'anniversaire de sa disparition et un timbre à son effigie a été mis en vente. Cette même année, le Premier ministre, Ehud Barak, a demandé officiellement que sa dépouille soit restituée à Israël afin d'y être enterrée. Mais la Syrie a refusé, comme elle avait déjà refusé à de nombreuses reprises dans le passé. Il y a longtemps que je voulais que M. X me raconte l'histoire de cet homme que l'on a, par exemple, comparé au célèbre Richard Sorge, l'espion soviétique qui avait pu annoncer à l'avance l'attaque des troupes de Hitler contre l'URSS en juin 1941. Un jour, en effet, alors que nous devisions après un enregistrement, mon interlocuteur m'avait laissé entendre que l'histoire d'Eli Cohen n'était peut-être pas aussi limpide qu'elle paraissait être. Les circonstances au cours desquelles a été démasquée cette taupe israélienne, infiltrée à Damas au cœur même de la classe dirigeante syrienne, n'ont en effet jamais été tout à fait éclaircies. Et M. X a son idée assez dérangeante. Brûle les ailes, il avait petite douleur. Seule mémoire et sans doute une sainte horreur. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Eli Cohen était ce qu'on appelle dans notre langage un illégal. Oui, c'est-à-dire qu'il ne bénéficiait d'aucun statut protecteur, comme celui de diplomate par exemple. Oui, un illégal c'est un homme qui sous une fausse identité s'insère dans une société étrangère, il fait sa place, noue des contacts et attend le moment d'être activé par le service qu'il a envoyé. Ça peut parfois durer très longtemps. J'ajoute que très peu de services de renseignement utilisent des illégaux parce que le système demande une longue, très longue et coûteuse préparation. Alors, quels services ont utilisé essentiellement les soviétiques, au temps où l'URSS existait encore. Mais je ne serais pas étonné si on découvrait que quelques-uns des illégaux russes installés en Occident continuaient à travailler pour les services qui ont succédé au KGB. Les soviétiques, mais aussi les Israéliens. Ah oui, les Israéliens, le Mossad, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et disons-le tout de suite, un agent illégal doit être un type d'une trempe exceptionnelle. Un homme avec des nerfs d'acier, car il travaille dans un milieu hostile et doit veiller en permanence à ne pas sortir de la légende qu'on lui a construite. La légende, c'est ce que vous appelez dans votre jargon sa fausse personnalité, c'est ça ? Oui, sa nouvelle identité, son faux passé, enfin, tout ce qui fait un homme en somme. Un illégal est un individu qui a deux vies, mais il doit bien se garder d'oublier autant que possible la première. C'est ce qui s'est passé là avec Cohen ? Et vous allez voir que ça a été particulièrement pénible pour lui-même, à mains égards. Quelles sont ses origines ? Eli Cohen est né au début des années 20 à Alexandrie, où il existait alors une forte communauté juive. Il reçoit donc, j'imagine, une éducation traditionnelle. Hein. Oui, les juifs d'Alexandrie sont des orthodoxes très attachés à la tradition hébraïque. Le jeune Eli, rejeton d'une famille modeste originaire de Syrie, n'en fait pas moins de bonnes études. Il est particulièrement doué pour les langues. Et en dehors de l'hébreu et de l'arabe, il parle aussi un excellent français. Ah oui, c'est un garçon brillant. Alors. Mais se passionne aussi pour les mathématiques et rêve de devenir ingénieur après avoir failli opter pour le rabbinat. Mais les circonstances vont en décider autrement. Car pendant la Deuxième Guerre mondiale, le jeune homme prend très vite contact avec les milieux sionistes. Et il milite ? Oui, Cohen adhère complètement à l'idéal sioniste. Et il est certain que dès cette époque, lors qu'il se trouve toujours à Alexandrie, il est mêlé à des actions clandestines visant à permettre aux juifs égyptiens de rejoindre la Palestine. Mais lui-même, il n'envisage pas de s'y rendre ? Il en rêve. Toutefois, ses chefs jugent qu'il est plus utile à la cause en Égypte. Et il ne rejoindra Israël qu'en 1957, après avoir passé quelques mois en prison. En prison, pour quelle raison ? Eli Cohen a été très proche de membres d'un réseau d'espionnage israélien implanté en Égypte. Certains ont été d'ailleurs condamnés à mort. Mais je vous en parlerai peut-être un jour, car c'est une affaire étonnante qui a provoqué un scandale retentissant en Israël. Quoi qu'il en soit, Cohen, lui, passe à travers les gouttes. Mais quand il arrive en Israël, il a donc déjà eu une expérience de l'espionnage. Absolument. En Israël, Eli retrouve sa famille qui a émigré depuis longtemps et il trouve un premier emploi au ministère de la Défense. Qui fait-il ? Il est traducteur. En effet, il a mis à profit son don exceptionnel pour les langues. Et en Égypte, il a appris l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Ah ben, il doit être doué, effectivement. Et il avait, paraît-il, une mémoire phénoménale. Mais dites-moi, le ministère de la Défense, là où il trouve un emploi, c'est sans doute pas par hasard. Bien sûr que non. Au ministère, on sait parfaitement bien ce qu'il a fait en Égypte. Ouais. Mais ce sont plutôt, à mon avis, les services secrets qui devraient le recruter. Vous avez raison. Mais dans le monde du renseignement, on est prudent et le Mossad, dans un premier temps, se contente d'observer à distance le jeune homme. Pour mieux le connaître, c'est ça. Oui. Et on constate qu'après une période d'adaptation difficile, Eli s'intègre bien dans la société israélienne. Change de travail, se marie, visite Israël. Et un jour, il annonce à son épouse Nadia qu'il vient d'être embauché comme représentant dans une grande entreprise commerciale. Un job qui le conduira à aller souvent à l'étranger. Oui, c'est le Mossad qui vient de le recruter. Naturellement. Il a donc finalement été jugé apte. Oui, et il est pris en main par un homme qu'on surnomme le derviche, c'est Itzhak Shamir. Le futur Premier ministre ? Lui-même. Cet ancien du redoutable groupe terroriste Stern était entré dans les services secrets au milieu des années 50. Petite taille et grosse moustache, le derviche est un homme d'expérience. Et pendant de longs mois, il a imposé un entraînement de tous les instants à son protégé. Un entraînement, ça signifie quoi, concrètement? Bah, il lui a appris à déceler une filature, puis à la déjouer, ou bien à se déplacer sous une fausse identité, ou encore à se livrer à des exercices de mémorisation visuelle. Et Cohen, sait-il déjà quelle est la mission qu'on va lui confier, non? Non, pas encore. Cohen s'applique surtout à devenir un parfait agent. Un katsa, comme on dit au Mossad. Mais quand le derviche a commencé à lui montrer des prototypes d'armes en usage dans les pays arabes, il a compris. Ouais, qu'on allait l'envoyer dans un pays arabe. C'est évident. Mmh. D'autant qu'il avait des atouts. Cohen connaissait à la perfection l'arabe. Et son physique de brun pouvait le faire passer aisément pour un arabe. Mmh. Alors, là, combien de temps a passé depuis son arrivée en Israël? Presque 3 ans. Ah ouais, déjà. Mais il n'en a pas encore fini avec sa formation. Il lui faut encore étudier l'islam et fréquenter les mosquées qui existent en Israël. Et enfin, à la fin de l'année 60, son instructeur lui dévoile à la fois sa mission, ce sera la Syrie, et sa nouvelle identité. Ouais, c'est sa légende, là, comme vous disiez. Eli Cohen s'appellera donc désormais Kamal Amin Tahabes, un patronyme typiquement syrien. On lui donne aussi le nom de son père, l'origine de sa prétendue famille et tous les détails qui permettent de lui forger une identité quasi authentique. Il s'astreint à étudier l'histoire du pays, sa culture, sa vie politique, etc. Alors là, il va pouvoir partir pour la Syrie, là. Non, pas tout de suite. Il doit encore apprendre l'accent syrien qui est très différent de l'accent égyptien. Et on lui fait subir en même temps un entraînement plus technique, utilisation d'émetteurs miniatures ou d'appareils microphotographiques. Ouais. Bref, le béaba du parfait petit espion. Mais à ce moment-là, on sait-il plus sur l'objectif de sa mission? Il sait qu'il va aller en Syrie, mais... Vraisemblablement. La Syrie et Israël sont toujours en guerre. Régulièrement, des troubles éclatent à la frontière entre les deux pays. Le Golan est encore sous contrôle de la Syrie, et à partir de ce plateau qui domine la Galilée, les Syriens tirent sur les pêcheurs du lac de Tibériade ou sur les agriculteurs des kibbutz du Nord. À chaque fois, naturellement, les Israéliens ripostent. Et les incidents sont donc fréquents. D'autre part, Israël surveille en permanence les forces armées syriennes qui reçoivent de plus en plus de matériel moderne de son allié soviétique. Les Israéliens ont donc peur qu'un jour ou l'autre, les Syriens ne passent à l'offensive sur le front nord. Évidemment. Et il y a une autre question qui n'est pas moins importante, c'est celle de l'eau. C'est d'ailleurs toujours une donnée essentielle dans ce conflit qui oppose aujourd'hui Israéliens et Palestiniens. Or, la Syrie, contrôlant le Golan, peut très bien assécher Israël. En détournant les rivières qui alimentent le lac Tibériade, c'est ça ? Exactement. Or, les Israéliens entendent de leur côté se servir de cette eau pour irriguer leur culture au sud et en particulier dans le Negev. Vous voyez donc que c'est une question essentielle. Ouais. Alors, d'après vous, Eli Cohen n'a donc aucun mal à deviner quelle sera sa mission ? Oui. Mais surprise, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Syrie, c'est en Argentine que le Mossad va l'envoyer. Buenos Aires. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Dans un livre récent, Les ombres du Mossad, publié aux presses de la Cité, Gordon Thomas évoque l'histoire d'Eli Cohen. Voici comment il raconte son recrutement par les services secrets israéliens. En décembre 1956, il fit partie des Juifs expulsés d'Égypte après la crise de Suez. Il arriva à Haïfa et se sentit étranger dans son nouveau pays. En 1957, il fut recruté par le contre-espionnage militaire israélien où son travail d'analyste ne tarda pas à le lasser. Il se renseigna sur la filière d'entrée au Mossad, mais sa candidature fut rejetée. Notre refus l'a profondément blessé, me raconta Meir Hamit, c'était le patron du Mossad. Cohen a quitté l'armée et s'est marié avec une Irakienne nommée Nadia. Pendant 2 ans, Cohen mena une vie paisible d'employé de bureau dans un cabinet d'assurance de Tel Aviv, mais sans qu'il s'en doute, son dossier finit par refaire surface au Mossad lors d'un examen des candidatures rejetées. Meir Hamit cherchait en effet un type particulier d'agent pour une mission très spéciale. N'en ayant trouvé aucun qui lui convienne dans ses fichiers d'actifs, il s'était mis à éplucher les dossiers refusés. Cohen lui parut offrir la meilleure possibilité. Il fut discrètement mis sous surveillance. Les rapports hebdomadaires du bureau de recrutement du Mossad firent état de sa routine monotone et de son amour pour sa femme et ses enfants. Eli Cohen travaillait dur, comprenait vite, faisait preuve d'efficacité sous la pression. Finalement, il fut averti que le Mossad le jugeait apte au service. Et pourquoi, alors, l'ayant formé pour aller en Syrie, le Mossad envoie-t-il d'abord Cohen en Argentine? Pour parfaire sa légende. En Argentine? Oui. Enfin, peut-être ne le savez-vous pas, mais il existe là-bas une forte communauté arabe. Au moins 500 000 d'exilés en provenance du Proche et du Moyen-Orient. D'où l'idée suivante. Cohen, alias Tahabès, son nouveau nom, est né à Beyrouth. Mais sa famille d'origine syrienne a émigré depuis longtemps en Argentine. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que le berceau de sa vraie famille juive se trouve réellement en Syrie. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Le Mossad a bien préparé son affaire. Par conséquent, pour que sa couverture d'exilé soit crédible avant de se rendre en Syrie, l'espion doit se familiariser avec l'Argentine et la façon de vivre de cette importante colonie arabe. Mais j'imagine que Cohen ne fait pas directement le voyage de Tel Aviv à Buenos Aires, non? Bien sûr que non. Il fait une escale à Zurich. Là, le correspondant local du Mossad le prend en charge. Cohen se débarrasse de tout ce qui l'attache encore à Israël, ses vêtements, ses papiers, les photos de sa famille. Et c'est un homme d'affaires spécialisé dans l'import-export, muni d'un superbe passeport sud-américain au nom de Tahabès, et doté d'une bonne liasse de dollars qui reprend l'avion pour l'Argentine. Une question avant d'aller plus loin là. Sa famille, sa femme, que savent-ils? Rien. Ah bon. Et lorsque Cohen voudra donner des nouvelles à son épouse, il enverra en même temps que ses rapports des lettres à Zurich et l'agent du Mossad changera l'enveloppe et les postera à destination de Tel Aviv, en prenant bien soin de varier le lieu d'expédition. Mais pour faire croire que Cohen voyage. Oui. Hein. Donc, Cohen doit mentir à son épouse. Hein. Et ça n'a pas dû être facile pour lui. Juif orthodoxe, très attaché à sa famille. D'ailleurs, au fil des années, il supportera de plus en plus mal la séparation et cette double vie qui l'oblige à mentir aux êtres qui lui sont le plus chers. Ouais, mais c'est lui qui a choisi. Hein. Par patriotisme, oui. Mais il n'imaginait peut-être pas que ce serait si dur. Ouais. Alors, l'Argentine. Hein. Et il va y rester plusieurs mois. Et Cohen Tahabès va y donner toute la mesure de ses talents d'espion. Il se coule aussitôt dans la peau de son personnage, fréquente les lieux où se réunissent les exilés syriens et libanais et se lie d'amitié avec quelques-uns d'entre eux. Ça lui permet de vérifier très vite que sa couverture est crédible. Oui, mais il doit toujours se tenir sur ses gardes car on l'a prévenu avant son départ, les services secrets arabes sont très actifs en Argentine. En tout cas, il fait une rencontre décisive en la personne du rédacteur en chef d'un journal en langue arabe, un syrien. Un journal édité en Argentine? Oui. Les deux hommes parlent beaucoup de politique. À cette époque, au début des années 60, Nasser avait obtenu que l'Égypte et la Syrie unissent leur destin. Oui, la fameuse République arabe unie, RAU. C'est ça, mais un nombre grandissant de Syriens critiquait cette unification qui prenait de plus en plus la forme d'une pure et simple annexion de la Syrie par l'Égypte. Le parti Baas en particulier cristallisait cette hostilité. Et il était vraisemblable qu'un jour ou l'autre, il s'emparerait du pouvoir à Damas. Alors, le prétendu exilé, la Cohen Tahabès, a donc joué la carte du Baas? Tout à fait. Et dans ses conversations avec le journaliste, qui était lui aussi un sympathisant du Baas, Il a laissé entendre qu'il n'aspirait qu'à une chose, en finir avec sa vie d'exilé, aller à Damas et se rendre utile à son pays. Donc concourir à la victoire du parti Baas pour se débarrasser de la tutelle égyptienne. Oui, le journaliste l'a très bien entendu et lui a spontanément offert de lui procurer des contacts à Damas. Mieux, il lui a présenté un homme qui allait jouer un grand rôle dans la vie politique syrienne. Encore un sympathisant du Baas ? Bien sûr. Le général Amin el-Hafez, attaché militaire syrien à Buenos Aires et futur président de la Syrie, à ne pas confondre avec Hafez al-Assad, qui lui ne s'emparera du pouvoir qu'en 1970. Ouais. Ah donc, Amin el-Hafez. Comment ça se passe avec ce général ? Bien, très bien. Et Hafez, averti des intentions de Tahabès, lui dit : mais qu'attendez-vous donc pour partir ? Partir à Damas. Alors ça y est, il va pouvoir partir. Oui, mais non, auparavant, le Mossad lui fait faire un crochet par Tel Aviv. Ça lui permet au moins de revoir sa femme. Et de subir un nouvel entraînement. Eh bien, pour lui, le chemin de Damas est particulièrement long. Non ? Alors, de quoi s'agit-il encore là ? Eli Cohen doit se perfectionner dans le maniement du poste émetteur miniature qu'il va utiliser en Syrie. Un appareil qui lui permettra de transmettre en morse des messages chiffrés. C'est un point très important. Ah oui, j'imagine. Oui. Mais pas pour les raisons que vous supposez. Ah bon, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je sais que chaque pianiste, comme on les appelait autrefois, a une façon bien à lui de taper un message, une touche personnelle qui ne ressemble à aucune autre, et c'est comme une signature. C'est-à-dire que si un autre pianiste, pour reprendre votre expression, essaie d'envoyer un message sur le même appareil, on aura immédiatement la preuve qu'il y a tromperie. Oui, ou encore si l'utilisateur habituel change soudain de touche, on saura aussitôt qu'il envoie son message sous la contrainte. Par conséquent, en même temps que Cohen s'entraîne, les opérateurs qui recevront plus tard ces messages apprennent à reconnaître sa touche. Ah, j'ai bien compris. Alors maintenant, ça y est, il est prêt à partir. Là. Oui, oui, une fois de plus, il s'envole pour Zurich, où il se dépouille de sa peau d'Israélien pour redevenir Kamal Amin Tahabès. Et de là, il se dirige vers Beyrouth. Puis, il gagne Damas par la route. À Damas, où il l'a appris avant son départ d'Israël, un coup d'État a porté au pouvoir des officiers baasistes et du même coup remis en cause l'unité avec l'Égypte. Situation très favorable pour Cohen. Hein. Bien sûr, ouais. Puisque ses contacts se situent tous dans la mouvance de ce parti. Et arrivé là, à Damas, là, comment s'installe-t-il alors ? Pour lui, il n'est pas question de vivre à l'hôtel, c'est trop dangereux. Ouais, à cause de son petit matériel. Naturellement. Ouais. Et au fait, il a passé la frontière sans encombre. Oui, son émetteur était soigneusement dissimulé dans un appareil ménager truqué. Donc il cherche un appartement et il trouve à se loger dans un petit immeuble situé en face de la caserne qui abrite l'état-major de l'armée syrienne. Encore un hasard, ça ? Je ne sais pas, mais ça lui permet de glaner quelques informations. Les soirs où les lumières de la caserne restent allumées très tard, Cohen peut aisément en déduire qu'il se prépare quelque chose. Toutefois, ce bel appartement où il s'installe a surtout un avantage. Il est situé au dernier étage. Et l'espion peut donc ainsi installer sur le toit une discrète petite antenne. Une antenne pour son poste émetteur ? Oui. Et alors, ces contacts dont vous me parliez, ces contacts politiques, là ? La première relation sérieuse qu'il noue avec un Syrien, c'est avec un jeune homme, le fils de ce journaliste arabe qu'il a rencontré en Argentine, un certain Kemal. C'est d'ailleurs Kemal qui lui a permis de trouver son appartement. Et que faisait ce Kemal là ? C'est une sorte de jeune homme à la mode, très introduit dans les meilleurs cercles de la capitale syrienne. Et grâce à lui, Cohen Tahabès va se faire rapidement un excellent carnet d'adresses. Sa couverture, c'est toujours l'import-export ? Oui, et le prétendu Tahabès annonce à tous les gens qu'il rencontre qu'il entend exporter des meubles et des produits artisanaux syriens. Ce qu'il va effectivement faire. Et pour revenir à Kemal et à ses précieuses relations, c'est grâce à lui que Cohen fait la connaissance d'un jeune lieutenant prénommé Maazi, qui n'est autre que le neveu du chef d'état-major de l'armée syrienne. Et les deux hommes deviennent très vite amis. Cohen a vraiment le sens des contacts humains. Hein. Et il doit être incontestablement sympathique. Vous voulez dire qu'il ne se force pas ? Certainement. D'autant qu'il vit son personnage totalement. Il n'y a que le soir, lorsqu'il est seul chez lui et qu'il envoie des messages à Tel Aviv, qu'il redevient Eli Cohen. Et que peut lui procurer ce lieutenant Maazi ? Maazi, c'est ça, oui. Des informations glanées chez son oncle ? Oui, au cours d'une conversation toute simple, mais habilement orientée, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais toujours grâce à Maazi, il va aussi accomplir un exploit incroyable. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X, rediffusion. Comme tout agent illégal infiltré dans un pays étranger, Eli Cohen a dû veiller à se construire une façade professionnelle au-dessus de tout soupçon. C'est ce que racontent les deux journalistes israéliens, Ben Porat et Yuri Dan, dans leur livre intitulé « L'espion qui venait d'Israël ». Je les cite. Il avait déjà rencontré dès les premières semaines de son séjour à Damas un certain nombre d'industriels et de commerçants afin de leur proposer d'exporter en Europe, tout particulièrement à Munich et Zurich, des tables damascéennes de fabrication artisanale qui servent en général de tables de jeu et sont le décor naturel des cafés et restaurants en Syrie et au Liban. Il découvrit également différentes sortes d'objets d'art fabriqués en Syrie, des bijoux anciens et nouveaux et des objets variés en cuir qui étaient tous, à son avis, susceptibles d'alimenter les marchés d'Europe. L'espion eut soin d'expliquer aux commerçants qu'il était en rapport avec une importante société d'importation en Europe et dont les sièges sociaux se trouvaient à Munich et à Zurich, ce qui lui permettrait d'exporter les objets d'art et les tables folkloriques très recherchées en Europe. Ces pourparlers lui permirent en attendant de correspondre avec l'agent principal de cette société en Europe, agent qui n'était autre que l'antenne principale de Cohen, son ami Salinger, c'est-à-dire, selon Yuri Dan et Ben Porat, l'agent du Mossad en Suisse. Les relations entre le lieutenant Maazi et Cohen Tabes deviennent si confiantes que l'espion israélien parvient à convaincre son ami de lui faire visiter la frontière. La frontière côté Golan. Oui, ouais. Pour la raison que je vous ai expliquée plus haut, cette visite est du plus grand intérêt pour Cohen. Non seulement il va pouvoir donner à Tel Aviv des indications précises sur les positions fortifiées de l'armée syrienne, mais il va jeter un œil sur d'éventuels travaux visant à détourner l'eau des rivières du plateau. Tout ça, c'était avant les observations par satellite. Mais une parenthèse, ce projet de détournement a-t-il eu un commencement d'exécution ? Oui, des experts soviétiques ont travaillé. Le plan du canal a été tracé et les premiers bulldozers ont commencé à creuser. En gros, il s'agissait de faire en sorte que l'eau de l'une des rivières qui alimente le lac de Tibériade soit détournée vers le Jarmouk, une rivière jordanienne. Naturellement, les Israéliens ont fait tout ce qu'il fallait pour retarder les travaux. Ouais. Et après la guerre des six jours, bon, les Israéliens vont occuper le Golan. Hein, donc... Et la conquête de ce plateau stratégique était l'un des objectifs majeurs des Israéliens, essentiellement à cause de l'eau. Il faut dire que le Golan est toujours aux mains d'Israël. Et le restera encore longtemps. Bon. Passons. Le Fouta Abbès accomplit donc un véritable exploit en visitant la frontière en compagnie de son ami Maazi. Et alors, on le laisse pénétrer à l'intérieur des installations militaires Maazi, je vous le rappelle, est le fils du chef d'état-major. Cohen ne va pas en rester là. Au fil des mois, il va élargir le cercle de ses relations. C'est d'autant plus aisé que le général El Hafez, de retour en Syrie, est de plus en plus influent. Et en 1963, je crois, il sera nommé président. Cohen a tout de suite repris contact avec lui? Bien entendu. Cohen Tahabès devient peu à peu un personnage qui compte dans la bonne société à Damas. On le rencontre dans les ministères, il assiste aux conférences de presse, il donne des réceptions, bref, il a fait son trou. Ouais, c'est apparemment une parfaite réussite. Oui, et il se lie particulièrement avec deux hommes qui vont être pour lui des informateurs privilégiés. L'un, Georges Seff, est un haut fonctionnaire du ministère de l'Information. L'autre, le colonel Atoum, est le commandant des unités d'élite de l'armée syrienne. Et dans ses relations avec ces deux hommes, Cohen va se montrer très malin et même un peu pervers. Pervers, ça veut dire quoi ? Tous les deux ont des maîtresses. Mais à Damas, les relations extra-conjugales sont assez mal vues. Alors, gentiment, l'espion leur propose de rencontrer leurs petites amies chez lui. Il n'hésite même pas à leur fournir un double des clés de son appartement. Et c'est dangereux, non ? Il dissimule son poste émetteur. Mais l'appareil est bien caché. Et puis quand ses deux amis viennent chez lui, ils ont autre chose à faire que de fouiller la maison. Et ça me paraît évident. Mais... quand même, je trouve ça un peu risqué. Vous avez sans doute raison. C'est vrai que Cohen, qui se sent de plus en plus sûr de lui, finit peu à peu par négliger sa sécurité. Et ça lui coûtera cher. Mais en attendant, avouez qu'il a bien joué. Car ces deux hommes, Seff et Atoum, n'ont désormais plus grand-chose à lui refuser. Ouais, et il les tient. N'exagérons pas. Mais ils lui sont redevables. D'ailleurs, Cohen ira encore plus loin. Il permettra à ses deux amis de venir passer des soirées chez lui avec quelques jolies filles. Des soirées assez alcoolisées, très délurées. Ouais, et alors, une question quand même. Pendant ce temps-là, que faisait-il, lui ? Il tenait la chandelle ? C'est ce qu'on a toujours prétendu en Israël. Ah oui, parce qu'il ne fallait pas écorner l'image du héros, c'est ça ? Ça se comprend. Cohen était marié, il avait des enfants et c'était un juif orthodoxe. En tout cas, quelle qu'ait été son attitude pendant ses parties fines organisées dans son appartement, l'espion israélien envoie au Mossad des informations essentielles. Son rendement, si on peut parler comme cela, est est exceptionnel. Ouais. Je voudrais revenir à ce que vous disiez précédemment. Là. Sa famille, a-t-il pu la revoir ? Oui, à 3 reprises, sous prétexte de se rendre en Suisse pour ses affaires. Cohen a pu faire de courts séjours en Israël, des séjours pendant lesquels l'espion a été débriefé par ses chefs et qui lui ont permis de revoir sa femme et ses enfants. La dernière fois, c'était en novembre 1964. Et sa famille, mais aussi ses supérieurs, ont pu noter que l'espion était épuisé. La tension nerveuse, ouais. Et les Cohen n'en pouvaient plus et il aurait préféré en finir avec sa mission. Rester en Israël ? Oui. Mmh. Mais se sentait-il menacé ? Je crois qu'il avait conscience qu'il risquait à tout moment d'être démasqué et que sa situation devenait de plus en plus dangereuse. Mmh. Et ses chefs du Mossad, eux ? La question est délicate. Attendez, pourquoi ? Bon, examinons les choses froidement. Mmh. Au Mossad, on ne peut pas ignorer qu'étant donné l'état de délabrement moral de Cohen et la longévité exceptionnelle de sa mission, il y a de fortes probabilités qu'il se fasse prendre. La longévité, que voulez-vous dire là ? Plus le temps passe et plus il y a de chances que les services secrets syriens captent les messages envoyés par Cohen. Ces messages sont codés. Peu importe. Ce qui compte, c'est que des messages clandestins sont envoyés depuis Damas. Autre chose. Les services syriens risquent d'établir un rapport entre la reprise de ces émissions et le retour de Cohen Tahabès en Syrie. Alors, selon vous, il n'aurait pas fallu renvoyer Cohen à Damas ? On peut légitimement s'interroger. Mais, d'accord, mais la moisson récoltée par Cohen était tellement importante que le Mossad pouvait difficilement y renoncer. Non ? C'est juste, oui. Les services israéliens devaient tenter d'exploiter la source Cohen jusqu'au bout. Ouais, quitte à le perdre. Bien sûr. Dans les services de renseignement, on ne fait pas de sentiments. Mais il faut aussi oser se demander si on n'avait pas prévu la fin de Cohen. Attendez, là, soyez plus précis quand même. Si l'espion est découvert, imaginons ce qui va se passer en Syrie. Ça va être la panique. La soudaine révélation que les milieux du pouvoir, l'armée et peut-être même les services secrets peuvent être infiltrés par les Israéliens et la peur qu'il existe éventuellement d'autres taupes. Enfin bref, ça peut être le début d'une vague d'espionnite où tout le monde va suspecter tout le monde et où le système syrien va forcément perdre en efficacité et en cohérence. Et c'est ce qui va réellement arriver après la capture de Cohen, non ? Oui. Ouais. Oui, des centaines de personnes vont être arrêtées. Et certaines seront jugées et condamnées à mort. Le simple fait d'avoir croisé le faux Tahabès suffisait. Ouais. Mais vous ne pouvez quand même pas dire que le Mossad avait tout prévu. Et donc, d'une certaine façon, sacrifier Eli Cohen ? Je ne sais pas. Mais à l'époque, chacun savait en Israël que tôt ou tard, une nouvelle guerre éclaterait avec les pays arabes. Alors, dans ces conditions, que vaut la vie d'un homme ? J'ai quand même des doutes, moi. Alors interrogez-vous sur ce point précis. Lorsqu'il est de retour à Damas, Cohen est pris d'une véritable frénésie. Il envoie message sur message, un par jour, et toujours à la même heure. Il prend donc le risque d'être repéré. Naturellement. Ouais. Or, ses employeurs du Mossad auraient pu l'inviter à faire preuve de plus de prudence. Or, il semble qu'il ne l'ait pas fait. Ah, ça, c'est effectivement troublant. Hein. Et dans ces conditions, sa capture était inévitable. En janvier 1965, grâce à un équipement de radiogoniométrie, les services syriens, épaulés par des spécialistes soviétiques, ont localisé l'endroit exact où se trouvait l'émetteur clandestin. Et ils ont enfoncé la porte de l'appartement de Cohen au moment même où il était en train d'émettre. Ouais, ça veut dire qu'il était impossible de nier. Immédiatement, les Syriens ont essayé de le retourner, en l'obligeant à transmettre des messages truqués à Tel Aviv. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la touche particulière à chaque opérateur. Les gens du Mossad ont très vite compris. Leur agent à Damas était tombé aux mains des Syriens. Mmh. Eli Cohen a été jugé, hein, c'est oui, ça ? Oui, mais le procès était joué d'avance. La sentence ne pouvait être que la mort. D'ailleurs, les 2 avocats français qui devaient le défendre n'ont même pas eu le droit d'assister au procès. J'ajoute que Cohen a fait preuve d'un courage absolu. Et même sous la torture, il n'a pas parlé. Il a simplement reconnu qu'il était, comme il l'a lui-même dit, un soldat de la nation israélienne. Dan Raviv et Yossi Melman ont publié chez Stock un ouvrage très documenté sur les services secrets israéliens. Tous les espions sont des princes. Ils laissent entendre que dans l'affaire Cohen, des fautes ont été commises. Si Cohen et ses contrôleurs avaient fait preuve de plus de prudence, il aurait pu sauver sa vie. En novembre 1964, il se trouvait en permission en Israël afin d'assister à la naissance de son 3e enfant. Cohen fit durer sa permission et laissa entendre au Mossad qu'il espérait, après 4 ans à l'étranger, retrouver une vie plus sereine. Il expliqua aussi qu'il redoutait le colonel Ahmed Suedani, chef des renseignements militaires syriens. Malheureusement, les hommes du Mossad ne prêtèrent pas attention à cet appel. La tension s'était encore accrue à la frontière et l'éventualité d'une guerre semblait de plus en plus sérieuse. Il était vital d'avoir quelqu'un à Damas. On fit donc pression sur Cohen pour qu'il reprenne son poste le plus tôt possible. Une version corroborée par Roger Faligo et Rémi Koeffer dans leur ouvrage sur l'histoire mondiale du renseignement paru chez Robert Laffont. Ils écrivent ceci, qui recoupe les déclarations de M. X. C'est un mari à bout de nerfs que Nadia Cohen retrouve une dernière fois en octobre-novembre 1964. Ses chefs le renvoient pourtant vers la mort. Son procès s'ouvre le 28 février. Eli Cohen sera pendu sur une place publique le 17 mai. De l'avis de tous, adversaires compris, il mourra courageusement. En Israël, son sacrifice sera célébré comme celui d'un héros. En Syrie, son arrestation puis son procès vont provoquer une vague de méfiance chronique, renforçant la tendance au durcissement du régime. Si Kamel Taabes était un agent du Mossad, alors n'importe qui peut l'être. Sur ce plan, les effets de l'affaire Cohen vont s'avérer extrêmement durables, telle fut parfois la dynamique des conflits israélo-arabes. Encore aujourd'hui, Nadia Cohen critique les chefs du Mossad qui n'auraient pas, selon elle, dû renvoyer en mission un agent au bord de l'effondrement. Enfin, je vous signale la récente publication aux éditions du Félin d'une version étoffée du livre de Genoveva Etienne et Claude Moniquet, L'histoire de l'espionnage mondial. Il y est bien sûr question de l'espion Eli Cohen. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez exercer votre art dans la balado-diffusion.